Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Si vous n'aimez pas le cinéma, ou si vous pensez que la philosophie a mieux à faire que d'en parler, ou encore si vous trouvez qu'on en parle trop, cette émission est pour vous. Pour les autres aussi, mais je n'ai pas besoin de prêcher des convaincus. Le philosophe américain Stanley Cavell, dont la disparition avant l'été nous vaut de lui consacrer une série d'émissions en cette rentrée, a marqué le paysage philosophique des années 60 en introduisant l'étude de film au sein des études philosophiques. Aucun professeur de philosophie avant lui n'avait osé enseigner le cinéma, et non pas comme objet d'étude philosophique, mais comme interlocuteur, hors pair, qui vient nourrir les réflexions sur la signification des mots que nous prononçons, sur la culture populaire partagée, et ce que Cavell nomme l'éducation des adultes, qui s'applique tant à la philosophie qu'au cinéma. L'idée est de partir non pas d'un film, mais de l'expérience du spectateur qui regarde le film. Comment se souvient-on des films? Qu'est-ce que le rugissement du lion de la Metro-Goldwyn-Mayer, le studio hollywoodien par exemple, soulève en vous comme souvenir et émotion? Ces émotions font partie de votre vie, elles composent ce que vous êtes aujourd'hui, et partir de votre expérience pour proposer une réflexion esthétique, c'est aussi ce que propose Kant dans la critique de la faculté de juger. Bien que cette expérience ne soit pas toujours positive pour tout le monde. Le cinéma ne m'angoisse pas, il m'ennuie, n'est-ce pas ? Il faut dire les choses beaucoup plus brutalement. Et au fond, le cinéma, pour moi, j'ai l'impression que c'est trop riche. Trop de choses se passent, n'est-ce pas ? Alors que le cinéma vous enchante ou que, comme Barthes, il vous ennuie, suivez-nous dans ce voyage hors pair en terre cavellienne où le cinéma n'est rien d'autre que l'image de notre rapport au monde. Bonjour Élise de Ménac. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir à ce micro pour parler de Stanley Cavell, que vous connaissez très bien. Vous êtes maître de conférences en études cinématographiques à l'École normale supérieure de Lyon. Rassurez-vous, contrairement à ce que vous évoque peut-être la bande originale d'Orange Mécanique, nous sommes en train d'écouter, on ne va pas vous scotcher les paupières pour vous forcer à regarder des images insoutenables, mais peut-être vous et surtout les auditeurs aurez après cette émission un autre regard sur le cinéma. Vous enseignez, je l'ai dit, les études cinématographiques. Est-ce qu'on peut dire que le livre de Stanley Cavell, La projection du monde, était le premier de son genre ? Sans doute, en effet. D'abord, il faut se souvenir que la date, en effet, de parution de l'ouvrage, c'est-à-dire 1971, ça nous conduit vraiment 20 ans avant Deleuze. Hein. Donc 20 ans avant les livres de Deleuze sur le cinéma, c'est 20 ans, c'est énorme. Donc c'est en effet très très en amont, même par rapport à l'idée même que le cinéma puisse être l'objet d'études à l'université. Hein, donc parce qu'il y a une première chose, c'est étudier le cinéma à l'université, et une deuxième chose, donc que ce soit un objet académique, et une deuxième chose, c'est que ce soit un objet pour la philosophie. 1971, c'est l'époque où le cinéma devient un objet d'étude à l'université, mais alors certainement pas dans les départements de philosophie, si vous voulez. Alors que Cavell enseigne dans le sein des saints de l'université américaine, à l'université d'Harvard, et que c'est dans cet Emerson Hall, qui est donc le bâtiment où enseignait William James, etc., à Harvard, que Cavell va faire ses premiers cours à Harvard sur le cinéma. En 1963, donc même 10 ans, quasiment 10 ans avant l'apparition du livre, donc le livre va cheminer pendant presque 10 ans dans ses cours, dans les cours qu'il donne avec les étudiants à Harvard. Et ce qui est intéressant, je riais intérieurement en entendant votre ouverture sur oh là là l'ennui, cette citation très très drôle de Roland Barthes, qui est très drôle, parce qu'en fait étonnamment ce qui a lancé vraiment Cavell dans sa réflexion académique sur le cinéma, c'est une déception, c'est un désamour vis-à-vis des films. Ce qui est un peu, qui va un Comment peu à contre-courant par rapport à ce qu'on a de Cavell, on s'attend, voilà, c'est le philosophe qui était amoureux des comédies hollywoodiennes, qui était comme ça complètement en empathie avec ses héros, et c'est vrai. Mais c'est aussi un penseur qui a connu à un moment dans sa vie, justement intellectuelle, c'est-à-dire justement à la fin des années 50, début des années 60, une sorte de désamour vis-à-vis du cinéma qu'il allait voir comme spectateur. Si vous voulez, jeune, si on remonte 10 ans avant, il était spectateur des comédies hollywoodiennes du remariage. Il a, en particulier dans une année qui a été fondamentale pour lui, qui était l'année 1948, où il était à New York, étudiant en musique à l'école Juilliard, je sais que vous en avez parlé avec Marc Cerisuello, il a dévoré les comédies hollywoodiennes. Donc tout ça, c'était le moment de fascination pour le cinéma. Et puis, la fascination s'est interrompu à un moment où le cinéma américain a lui-même changé, le moment où le cinéma américain connaît la crise des studios et où apparaît un deuxième cinéma, le nouvel Hollywood, etc. Et là, Cavell commence à s'ennuyer, comment c'est plus son cinéma, le cinéma intello new-yorkais, expérimental, etc. Ce sera pas son cinéma, donc il y a quelque chose qui a un sentiment de perte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit au début de la projection du monde. Ouais. Sans ce sentiment de perte, d'un rapport naturel, fusionnel au cinéma, j'aurais jamais écrit, dit-il, ce livre, et j'aurais jamais eu cette impulsion d'enseigner sur l'ontologie du médium. Et c'est intéressant comme quoi parfois perdre, et c'est quelque chose qui est très important chez Cavell à plein de niveaux et auquel on pense pour nous tous qui l'avons perdu, c'est que la perte est un nouveau départ. Et ça, c'est quelque chose que Cavell, sans arrêt dans son œuvre, ça revient. L'idée que perdre, c'est aussi se donner la possibilité d'approcher indirectement, autrement, ce qu'on a perdu. Partir de cette perte, c'est partir de son expérience. Et j'insiste sur ce point parce qu'il est étonnant de voir que pour parler du cinéma, il ne choisit pas de faire se rencontrer un philosophe et un film, ce qu'il fera plus tard dans les comédies de remariage par exemple, mais il part vraiment de ses souvenirs qui sont parfois inexacts. Rappelez-nous, on est au début des années 60, donc il n'y a pas le recours aussi facile aujourd'hui au DVD ou d'autres supports qui nous permettent de visionner des films plusieurs fois. Et ce geste-là redouble l'étrangeté du livre. Non seulement il s'intéresse frontalement au cinéma en tant que philosophe, il propose une ontologie du cinéma, qu'est-ce que l'essence du cinéma, mais en plus il parle de ses souvenirs. Et je me souviens, la première fois que j'ai lu ce livre, j'étais vraiment déconcertée de voir la part énorme que ce philosophe accordait à son expérience. Il y a très peu d'essais philosophiques qui disent « je » et qui font référence à des souvenirs qui, plus est, sont inexacts. Et à ses erreurs, vous avez tout à fait raison, et à ses oublis, et tout ça fait l'objet de sa pensée philosophique. C'est très étrange, comme vous le dites. Et en même temps, et là, on est au cœur de ce qu'il y a de passionnant dans cet ouvrage et qui est difficile à penser, donc on va y revenir. Oui, laissez-moi le dire une première fois, et puis peut-être je ne vais pas le dire comme il faut, et puis on va tenter de le redire. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y ait à la fois dans ce livre le vrai effort intellectuel d'une ontologie, c'est-à-dire qu'est-ce que le cinéma, avec cette question de l'être, qui est vraiment la question attachée à l'histoire de la philosophie depuis toujours, et en même temps une manière de tordre cette question, où d'abord la question qu'est-ce que le cinéma, dans les premiers paragraphes, je crois que c'est le tout premier ou les deux premiers paragraphes du livre, devient la question de qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est important au cinéma, et ça c'est déjà une modification incroyable du sens de l'ontologie, qu'est-ce que le cinéma, quels sont les films qui comptent, et d'autre part, finalement, deuxième torsion, l'idée que les films qui comptent, on va pouvoir les analyser par le chemin de notre émotion. Et vous avez raison que il n'y a pas d'endroit où l'émotion est plus vive, plus vivace, plus tenace que dans le lieu de la perte. C'est évident. La perte nous ramène à ce que vraiment on peut pas. Vraiment, notre émotion est à vif quand on parle de quelque chose qu'on a perdu. Et Cavell parle de son sentiment d'éloignement, de son souvenir des films, des souvenirs qui s'effritent, qui s'effacent, qui s'éloignent, et de ses oublis. Et en même temps, à travers cela, il parle de ce que sa mémoire a retenu, ce qu'elle a fixé, ce qui a changé sa vie vraiment dans les films. Et donc là, c'est par cette voie qu'il va en effet s'enquérir de l'ontologie des films. Et ce qui est incroyable, c'est avec ce pari très fort intellectuellement que ses émotions vont lui permettre d'aller au fond des pouvoirs expressifs du médium cinématographique. C'est-à-dire que ces moments de cinéma qui l'ont marqué, s'il les analyse, alors là avec une rigueur qui est celle du philosophe, soyons clairs, c'est pas mes petits souvenirs comme ça non. Et puis je les raconte en passant, c'est je prends tout le temps et la rigueur philosophique à explorer, à raconter ces souvenirs dans leur profondeur, dans leur détail, le détail de l'événement de cinéma, du moment de cinéma, le détail de la mise en scène telle que je m'en souviens, le détail de la voix de l'acteur telle qu'elle m'a bouleversée, le détail des gestes, des chants contre chants, le détail de la mise en scène telle que je m'en souviens. Et en analysant tout cela, je vais pouvoir avoir un vrai aperçu, un vrai éclaircissement des possibilités expressives du médium. Et c'est là où on est en effet dans l'ontologie et dans l'apport incroyable de cet ouvrage à ce qu'est, en effet, à une réflexion sur ce qu'est le cinéma. Entrons dans le livre, si vous voulez bien, Alice de Ménac. Un livre pas facile d'accès, hein, il faut quand même le dire à ceux de nos auditeurs qui voudraient s'y plonger. Déjà, c'est très difficile parce qu'il n'est plus disponible en traduction française. Mm-hmm. Donc l'appel est lancé aux éditeurs français, de manière urgente. Et deuxièmement, ne vous laissez pas rebuter par la langue parfois compliquée ou une approche surprenante. Ça vaut le coup. C'est aussi une langue qui est enchanteresse. Moi, je vais vous dire, il y a deux aspects à cette langue. Elle peut être, en effet, c'est compliqué parce qu'il vous raconte ses souvenirs. C'est quelqu'un qui tout de suite vous prend par la main, vous spectateur, en vous disant, mais je vais vous raconter moi mon souvenir du cinéma. Et c'est vrai que c'est des films qui peuvent être un peu lointains pour nous. C'est pas notre cinéphilie, disons, du moment. Et en même temps, si on se laisse couler dans le rapport de cet homme au cinéma, il y a quelque chose de fascinant dans le rapport incroyable à la langue qu'a ce philosophe. C'est un philosophe écrivain qui attache une importance incroyable au style, et c'est pas un hasard, parce qu'en effet, être capable de dire son expérience d'un film, Cavell a beaucoup dit à quel point c'était difficile, à quel point c'était un des enjeux de sa pensée du cinéma, que de prendre au sérieux la difficulté critique, ce qu'il appelle la difficulté que nous avons à juger des films. Il dit ça, c'est un truc sérieux, c'est pas à prendre à la légère. Et finalement, pourquoi ? Parce que c'est la même difficulté que celle, et là je cite un texte de Cavell, la même difficulté que celle que nous avons à juger de notre expérience de tous les jours. Mais c'est là, c'est quand même ça qu'il faut dire tout de suite, avant d'entendre la voix de Cavell qui parle de ce livre, c'est que la valeur ajoutée de ce livre, non seulement à l'histoire de l'étude cinématographique, mais de la philosophie, c'est qu'au fond, ce que nous dit Cavell, c'est que notre rapport au cinéma, même en tant que spectateur qui regarde un film projeté sur un écran, nous renseigne sur notre rapport au monde. Voilà, exactement. Comme vous le disiez, c'est exactement notre... On vit au cinéma. Disons que l'expérience du cinéma, à la fois, nous retranche du monde et en même temps nous permet de l'habiter autrement et de l'habiter mieux. C'est tout le pari qu'il a explicité dans ce titre, qui est un titre d'éditeur. C'est pas sa création, mais finalement, c'est pas si absurde que... C'est une jolie trouvaille, l'idée que le cinéma nous rendrait meilleur. Ça dit quelque chose. Oui, il y a un recueil de textes de Cavell qui s'appelle en français « Le cinéma nous rend-il meilleur ?» Cette idée que, à la fois, au cinéma, on vit une expérience qui nous retranche du monde et une expérience du scepticisme, dira-t-on, et je sais que vous avez déjà exploré cette question. On va y revenir. L'expérience d'éloignement du monde, de retranchement. Et en même temps, le cinéma nous apprend à voir mieux des choses de notre expérience que nous manquons ordinairement. En sorte que, finalement, il fait notre éducation. Et qu'en sortant de la salle obscure, justement, s'il y a une philosophie à gagner dans ce moment de salle obscure, c'est une philosophie qui nous rapproche indirectement du monde, justement. Écoutons Cavell énoncer ce qui est sans doute la thèse de la projection du monde. C'était en 1997 sur France Culture. The combination of extreme familiarity and extreme distancing is a fascination for me. With the film, it's one of the reasons that I once characterized film as a moving image of skepticism. Pour moi, le cinéma, effectivement, ça a toujours été ce qui est d'une familiarité extrême et en même temps ce qui présente la distanciation extrême. Et donc, ma fascination pour le cinéma vient certainement de là. J'ai dit quelque part que le cinéma était pour moi l'image mouvante du scepticisme, c'est-à-dire donc absolument intime et absolument étranger. Qu'est-ce que ça veut dire, Élise de Ménac, de dire que le cinéma est l'image mouvante du scepticisme ? Eh ben c'est vrai que on y trouve justement cette incroyable expression cavellienne de la puissance du médium cinématographique qui tient en effet à ce qu'il nous propose au cinéma. On a cette expérience de voir un monde projeté qui est d'abord un monde, il faut bien le dire, et Cavell le dit très clairement, et qui est un monde passé. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur un écran à un moment donné, c'est quelque chose qui a été et qui n'est plus. Et que donc il y a pour nous spectateurs dans cette cette expérience quelque chose de nostalgique, forcément. En quelque sorte, le cinéma est intrinsèquement nostalgique, dit Cavell dans La Projection du Monde, parce que il a affaire à la mémoire qu'il tente de raviver, en quelque sorte. Le cinéma ravive la mémoire d'un moment qui est de toute façon passé. Et il porte la trace de cet éloignement-là, d'un monde qui donc nous tient à distance. Et en fait, c'est ça, cette idée d'une image mouvante du scepticisme, c'est que ce qu'on voit défiler sur un écran, en quelque sorte, eh bien, c'est la preuve qu'un monde existe dont je ne suis pas, moi, spectateur. Donc, c'est à la fois délicieux et terrifiant. Et Cavell, quand il parle du rapport que le médium cinématographique entretient avec le scepticisme, tient toujours ce balancement entre... Eh bien, l'expérience du sceptique douloureuse que l'on fait au cinéma d'un monde merveilleux, mais d'autant plus merveilleux que je n'y suis pas, que j'en prends des vues, dit Cavell dans La Projection du Monde, que je le view vraiment, que je le visionne au sens de view en anglais, et qu'en même temps, de cette vision, je suis en quelque sorte le deus ex machina extérieur et irresponsable. Et donc, renversement de l'autre côté, eh bien, de ce monde-là, il va être possible, en même temps, grâce à ce moment-là d'expérience à distance, il va être possible de me rapprocher. Oui, et inversement, il y a encore un deuxième renversement, puisque Cavell dit, mais l'expérience de détachement que j'ai en tant que spectateur à l'égard du monde qui est projeté sur l'écran, qu'est-ce qui me prouve qu'il n'en va pas de même pour le monde dans lequel je vis? Oui. Finalement, je n'ai aucune preuve du fait que je ne suis pas moi-même simplement un spectateur extérieur au monde dans lequel je suis censé vivre. Et là aussi, je reviens à votre toute première question sur l'étrangeté du livre de Cavell en 1971. Ce qui est incroyable, c'est la manière dont Cavell est audacieux quand il est jeune philosophe et il prend comme ça, à revers, toute la pensée qui est en train de se constituer autour du cinéma aux États-Unis, du réalisme et du rapport du cinéma à la réalité. Parce que ce qui est fou, c'est l'audace de ce penseur qui prend en main les références Bazin, Panofsky, le cinéma et le réel, etc. Et qui, en même temps, décide de dire « Mais attention, il ne faut pas se leurrer. Certes, le cinéma entretient un rapport inédit avec la réalité, mais ce n'est pas forcément un rapport de révélation du monde réel, etc. Ce n'est pas forcément un rapport transparent. Ce qui est passionnant avec le cinéma, c'est qu'il il a la capacité de nous montrer, justement, toute la dimension mystérieuse de notre rapport au réel. Et comme vous le dites, c'est-à-dire que dans nos vies quotidiennes, on est sans arrêt pris à revers parce qu'on croise un reflet de soi dans un miroir, dans un couloir, ou parce que, enfin, si vous voulez, l'expérience du réel dans nos vies ordinaires, elle est pleine de moments surprenants, irréels, fantasmatiques, voyez. Et ce que dit Cavell, c'est que le cinéma, avec les infinies possibilités du médium de faire jouer, évidemment, la science-fiction, l'irréel, etc., révèle cette dimension-là de notre vie, c'est-à-dire un rapport au réel qui est un rapport uncanny, l'uncanniness of the ordinary, voilà, étrange, incertain, beaucoup plus incertain qu'on voudrait bien le dire ou le croire. Aux côtés de réflexions théoriques et ontologiques sur le cinéma, on trouve des références très précises à des films, vous l'avez dit, il y a tout un chapitre sur le public, l'acteur et la star notamment, mais aussi des références à certains réalisateurs qui vont l'accompagner jusqu'au bout de sa vie, dont il parle beaucoup. Parmi eux, on trouve par exemple Terrence Malick. Qu'est-ce qui, pour Cavell, compte dans la perception qu'il a de Terrence Malick? Pourquoi lui plus qu'un autre? Alors lui, plus qu'un autre, d'abord pour une raison qui est à la fois affective et Cavell aurait dit de circonstances, et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son œuvre d'ailleurs, l'idée qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de pensée philosophique sans une cause qui est souvent très éphémère, très très contingente, très accidentelle. Et ben il y a un accident heureux, c'est que Malick a été son élève et qu'ils se sont rencontrés donc et qu'ils se sont connus quand Malick était jeune et qu'il n'était pas encore cinéaste. Ce qui fait que Cavell a eu un regard indulgent, sans doute un peu paternel, etc., pour ce que devenait cet ancien étudiant qui a fait cet étrange voyage philosophique, qui n'était pas encore un voyage dans le temps pour parler son dernier film, mais qui était un voyage de la philosophie vers le cinéma en devenant cinéaste, alors qu'il l'avait fait d'abord sous la direction de Cavell un mémoire sur Heidegger, puis enseigné la philosophie au MIT, donc puis fait cette transition vers le cinéma. Donc d'abord, voilà première raison pourquoi Malick, mais alors vraie deuxième raison, c'est Malick parce que sans doute que Cavell a vu avec émotion à quel point le cinéma de Malick, comment dire, répondait à cette... Cavell parle d'une promesse de spontanéité du médium cinématographique dans la projection du monde. Et je crois que c'est ça qui l'a émerveillé dans les films de Malick, c'est le spectacle de la beauté du monde qui dans ses films, dès ses premiers films, hein, des Badlands, La Balade Sauvage, puis dans Les Moissons du Ciel, donc Cavell a écrit peu de choses, mais des choses très belles et très élogieuse, très profondément admirative sur ces deux premiers films de Malick. Mmh. Chaque fois en disant, voilà, c'est la manière dont il rend compte de la manière dont le cinéma peut faire un éloge du monde. Hein. Quelque chose qui est très important chez Cavell. Dans le cinéma de Malick, voilà, il y a un vrai accomplissement de ce point de vue-là. Le cinéma de Malick rend par les peintures de paysages, de nature, avec cette incroyable rapport à la peinture américaine. Hein. Malick était aussi pénétré de références picturales. Il y a une vraie célébration des beautés de l'Amérique auxquelles Cavell est très sensible, à la fois comme penseur du cinéma et comme aussi en son professeur qui a introduit Malick à Heidegger. Donc précisément à cette pensée du monde qui apparaît dans son être et dans sa beauté. Il faut dire que Les Moissons du Ciel de Terrence Malick est un film absolument magnifique, en plus d'être bouleversant. Hein, c'est un film qui a été tourné quasiment intégralement à la tombée du soleil avec une lumière orange. Il donne à voir des champs de blé immenses puisque tout se passe dans une maison qui est près des champs de blé. Donc c'est un moment d'enchantement visuel en plus du reste, en plus de l'histoire. Je vous propose qu'on écoute un extrait de Stanley Cavell qui parle de la façon qu'a Heidegger de décrire le rapport au monde, puisque c'est le lien qui le lie finalement à Terrence Malick, et puis ensuite un extrait des Moissons du Ciel qui vient illustrer ce que dit Heidegger. Écoutez. Heidegger caractérise la façon spécifique dont survient, pour reprendre ses termes, le phénomène de la mondanéité du monde en train de s'annoncer. C'est là un phénomène dans lequel est mis en jeu un mode particulier de vision ou de conscience. Ce qui met en jeu ce mode de vision est une rupture de ce que Heidegger nomme le monde du travail. Une rupture des affaires courantes qui entourent nos outils, des occupations qu'elles permettent et de l'environnement qui les encadre. C'est à l'occasion de la rupture du cours des affaires courantes, pour un outil par exemple quand il se casse, ou pour l'activité de quelqu'un à cause d'une blessure ou de l'absence de matériel, que ce mode de vision qui est alors convoqué découvre les objets dans ce que Heidegger appelle leur évidence, leur relief et leur obstination. Il m'est clairement apparu que cette perception ou cette appréhension des choses de notre monde faisait partie de la texture du cinéma comique muet. Plus particulièrement, que Buster Keaton est, dans ce cinéma comique muet, la figure qui, par son travail et son regard extraordinaire, peut-être le trait fondamental de ce personnage, éclaire et est éclairé par ce concept de mondanéité du monde en train de s'annoncer. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous êtes en train d'assister à l'invasion d'un champ de blé par des millions de sauterelles au sein des Moissons du Ciel, le film de Terrence Malick, que nous évoquons avec la philosophe enseignante en études cinématographiques à l'ENS de Lyon, Élise de Ménac, à l'occasion de cette émission sur Stanley Cavell et le cinéma. L'extrait qu'on entend est intéressant parce que c'est un film très contemplatif, je l'ai dit, et en même temps, sonorement, ça fonctionne très bien. On entend très bien cette invasion des sauterelles et cette irruption d'un événement qui vient casser une harmonie qui était établie. et permet d'illustrer, alors non pas par Buster Keaton que citait Cavell à la fin du texte, mais par quand même une manière qu'elle, une forme de comment le monde que nous essayons de faire peut être soudain brisé par l'éruption soit d'un outil, d'Heidegger, soit ici de sauterelles. Et c'est un thème qui est très cher à Cavell. Tout à fait, la perte et cette, ce moment terrible, l'importance du son, vous avez tout à fait raison, est tout à fait nette. Et c'est là aussi où Malik, on le voit, est un grand cinéaste. Et c'est pas seulement la peinture et la dimension picturale et la photographie de Nestor Almendros, c'est vraiment la pensée du spectacle cinématographique comme vraiment ce qui va nous susciter cette émotion dont vous parliez au début et ce qui va vraiment nous faire penser. Hein. Cavell parle de l'émotionnalité intrinsèque des films. Et bien, cette émotion, elle est c'est vrai, ce sang de chante d'invasion envahi par les sauterelles, ça passe beaucoup par les sons, et que c'est les sons qui tout d'un coup nous permettent de ressentir l'angoisse qui monte et la tragédie qui s'annonce pour les personnages, hein, pour Richard Gere, et qui va progressivement sombrer jusqu'à cette scène finale où son corps flotte sur une rivière, et où là aussi finalement ce sera une tache rouge s'éloignant sur un cours de d'eau qui sera la vision finale très forte de cette tragédie que peint Malik. C'est vrai que Cavell a su repérer le génie de Malik très très tôt dans sa manière de poursuivre au cinéma comme créateur une ambition philosophique. Parce que c'est ça qui est magnifique, c'est quand certains cinéastes s'emparent vraiment de la pensée philosophique en la poursuivant avec les moyens du cinéma. Cavell est un des rares penseurs qui ait su vraiment tendre la main aux artistes, je crois. Parmi les artistes contemporains qui connaissent Stanley Cavell, parce qu'il n'est pas lu uniquement par les philosophes, même si cette semaine j'ai reçu des philosophes pour en parler, il y a aussi des cinéastes, d'autres artistes sans doute, certains qui connaissaient très bien Cavell, d'autres qui ne le connaissaient pas. Eh bien, je vous propose, Élise de Ménat, qu'on convoque à cette table, enfin presque en tout cas par téléphone, un réalisateur contemporain qui connaissait très bien Cavell, et je vais laisser d'ailleurs le soin à Stanley Cavell de le présenter. Arnaud Desplechin. J'ai rencontré Arnaud Desplechin, réalisateur à Lille, qui est un réalisateur formidable. Qui a un esprit cinématographique absolument remarquable, et d'évoquer un film avec lui est une expérience réjouissante. Bonjour Arnaud Desplechin. Bonjour. J'imagine votre émotion à l'écoute de la voix de Stanley Cavell qui parle de vous. Bien sûr, j'entends cette voix, je vois le corps de Stanley, sa voix, ça me plonge dans une grande émotion. Oui. Merci d'être avec nous quand même pour en parler. Vous connaissiez bien Stanley Cavell, non seulement sur le plan amical, mais aussi son œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est faite cette rencontre avec Stanley Cavell, avec ses textes, et comment elle a influencé ou nourri votre travail de réalisateur? Ben, comme beaucoup de cinéphiles français, j'ai découvert Stanley Cavell avec À la recherche du bonheur, The Pursuit of Happiness, et après j'ai commencé à lire Worldview en anglais, ce qui n'étant pas bilingue, ce n'était pas un mince travail pour moi, et c'est un livre qui m'a enchanté totalement. Je vous écoutais toutes deux parler de la projection du monde, et parler de son rapport à Panofsky, et je me souviens des chapitres au tout début du livre, Cavell reprend Panofsky et Bazin, parle de ce réel, Élise parlait du rapport qui ne serait pas transparent à la réalité, et il termine son paragraphe en disant, mais qu'est-ce qui arrive à la réalité quand elle est projetée. Et il me semble que tout le reste du livre de Stanley propose la réponse suivante, elle scintille, elle s'initie. C'est-à-dire que le cinéma est committed to reality, et cette réalité, voilà qu'elle est projetée. Et alors dans la vie, on fait l'expérience quotidienne que quand la réalité ne signifie rien, c'est la dépression, c'est la réalité semble terne, et voilà qu'il suffit de la projeter pour qu'elle se mette à signifier. On ne peut pas empêcher les images de signifier. Et cette façon de voir le cinéma comme une machine à provoquer de la signification, et donc de nous rendre un monde enchanté quand on croit le perdre, et c'est ça que ce mouvement, moi, de cinéphile que j'allais, c'est que j'allais au cinéma et je continue à aller au cinéma pour me rassurer sur le monde, pour me rassurer que le monde scintille et signifie. Et ça, c'est excusez-moi d'être trop long, c'était aussi une façon pour moi de me débarrasser d'un dialogue anglo-américain malheureux qu'il y a eu dans l'histoire de l'art, qui est entre la politique des auteurs inventée par la Nouvelle Vague, puis la théorie des auteurs, qui était une théorie américaine contre laquelle Stanley Cavell s'est levé. C'est-à-dire que ce n'est pas l'auteur qui signifie, c'est le film lui-même tout seul qui signifie. Alors un bon réalisateur, c'est celui qui laisse le film signifier, qui laisse le genre signifier. Mais est-ce que vous décrivez le fait que de projeter des images sur un écran laisse advenir une forme de signification? C'est de la magie. Comment vous expliquez ça autrement? Cavell emploie le terme de magie. Oui, il y a une magie, mais une magie qui passe par un aspect mécanique. C'est ce que vous décriviez. C'est du temps qui est au passé. C'est ce spectacle qui nous rassure sur le monde et sur lequel on peut pas intervenir. On peut pas s'arrêter. Il y a un chapitre merveilleux dans Disowning Knowledge, les six pièces de Shakespeare, qui est un livre également qui est épuisé, qui serait temps de rééditer, qui est un des plus beaux livres de Cavell, et où il parle de voilà, quand vous allez au théâtre, vous pouvez arrêter. Othello fait une bêtise. Vous pouvez lui dire arrête. Desdemone est innocente. Si jamais vous levez, l'acteur va cesser de jouer. Vous pouvez empêcher le spectacle. Quand Lear se trompe avec Cordelia, au tout début de la pièce, vous pouvez empêcher la tenue du spectacle. Au cinéma, vous ne pouvez pas empêcher la tenue du spectacle. Alors vous êtes obligé de... Vous pouvez quitter la salle, mais le film continuera à se dérouler. Il y a un côté mécanique dans le cinéma, et cette apparition de la signification, ce foisonnement du sens, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est profondément vrai. Et je crois que la dépression est une illusion. Et quand on se déprend du monde quotidien, c'est une illusion. Et le cinéma est un moyen technique de nous rappeler à la réalité qui est que le monde scintille. Élise de Ménac. Oui, j'adore cette idée d'Arnaud Desplechin qui a toujours une lecture passionnante de Cavell, que le monde scintille, que ce que montre Cavell, c'est qu'au cinéma, le monde scintille. Je trouve que c'est tout à fait cela que donne à ressentir Cavell. Et c'est ça notre expérience de spectateur. Et je voulais revenir en écoutant Arnaud Desplechin à ce pari que fait Cavell, vraiment, que finalement, c'est les films qui comptent le plus pour nous. C'est en analysant ça, c'est-à-dire les films qui nous ont émus et transportés, qu'on va comprendre comment le cinéma, comme dit Arnaud Desplechin, signifie. C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le médium, vraiment joue dans ces moments-là de cinéma qui nous émeuvent. Et c'est ce pari d'une harmonie, presque d'une harmonie préétablie pour continuer en extrapolant sur l'origine kantienne, qui je vous rassure, n'est pas dans le texte de Cavell. Là, c'est moi qui exagère, mais comme c'est le paragraphe 8, hein, enfin, c'est en poursuivant Kant, mais d'une harmonie préétablie entre nos émotions face au film et vraiment ce qu'ils permettent de comprendre de l'ontologie justement du médium à ce moment-là. Et là, c'est vraiment Arnaud comme cinéaste, Arnaud Desplechin est un merveilleux interlocuteur de ces textes pour voir comment justement le cinéma peut continuer à scintiller, quoi. Alors, on va prendre un exemple précis dans un instant, Arnaud Desplechin, de la manière dont vous vous êtes nourri des textes de Cavell dans votre cinéma. Mais avant cela, vous disiez « aller au cinéma me rassure ». Quels sont pour vous le type de films ou les films ou les cinéastes qui vous rassurent? Ah, c'est difficile parce que le cinéma, je vous écoutais au début de l'émission, il y a un truc qui me fait rigoler, moi-même je suis pris dans ce qui est aussi une illusion, Élise racontait ce moment où Séné Cavell se déprend du cinéma et il commence la rédaction de The World View, de la projection du monde. Voilà, évidemment, on a toujours cette crainte, c'était une crainte dans laquelle d'année où Godard vivait, etc. Le cinéma va arrêter, le cinéma va mourir, le cinéma va s'éteindre. Et ça, c'est très drôle, c'est cette déploration fait partie même de l'histoire de l'art cinématographique. C'est dès que le son est arrivé, on s'est dit, voilà, c'est fichu, le cinéma muet, c'est terminé. Dès que la couleur est arrivée, on s'est dit, voilà, il n'y a plus de cinéma. Et puis le réalisme est arrivé au cinéma, on s'est dit, c'est mort. Alors, il y a toujours une nouvelle invention et on se dit, ça y est, c'est la fin, le cinéma n'est plus un art. Et en fait, le cinéma persiste à travers les différentes et se renforce sûrement à travers ces différentes mutations. Je pense à tout le travail de Sandra Logier qu'elle a fait autour des séries télévisées, de s'emparer d'objets humbles comme ça et de d'avoir une attention à ce que ça peut faire entendre ces nouvelles inventions du cinéma. Mais donc moi, bien sûr, je suis pris dans la terreur que le cinéma aujourd'hui m'offre moins. Mais sûrement, vous partagez ce constat de perte, d'une perte d'un rapport naturel avec le cinéma, c'est ce que vous dites. Ben oui, mais n'étant pas de la même génération que Cavell, je pense non, Cavell se trompait, c'était super bien, oui, le réalisme qui arrive au cinéma, et la crise que le cinéma traverse aujourd'hui, je me dis mon Dieu. Et dans 30 ans, on dira que c'est vous qui aviez tort, alors c'est ça. Bien sûr, je l'espère. Alors, je pense à un film où c'est vraiment à travers Cavell que j'arrive à lire le film, un film qui récemment enfin récemment dans la décennie, me bouleversait, qui me bouleverse encore et que je revois souvent, qui est Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Et le lisant avec les outils de Cavell m'apparaît de façon très claire à quel point Million Dollar Baby, de par sa conception, par les scénaristes ou le réalisateur, une fois de plus, peu importe qui ajoute ou l'acteur qui ajoute la signification, n'importe pas, la signification elle est là, nous spectateurs on peut se baisser, la ramasser, c'est que c'est un film de super-héros. C'est un film de super-héros. Vous avez le personnage féminin qui est cette jeune boxeuse qui a un surnom gaélique qu'elle ne comprend pas, qui lui a elle-même opaque, comme Spider-Man a un surnom, comme Clark Kent s'appelle et Superman, etc. Elle a un costume, cette cape verte, elle a la suspension des rapports sexuels dans le temps du film, elle a un talent et elle a un talon d'Achille. Et tout est raconté avec c'est son adversaire qui est l'ours, qui est une femme, une Allemande comme ça, avec une cape d'une autre couleur, etc. s'affronte et je vois se développer ce thème du super-héros, qui est un genre qui m'a passionné dans la décennie précédente. Aujourd'hui, les films de super-héros m'intéressent moins. Et vous êtes en train de préparer un film de super-héros, non ? Pas vraiment, non. Pas le prochain. C'est un mélodrame. L'expérience de perte dont nous parlions avec Élise de Menac, si importante pour Stanley Cavell, et qui se situe à l'ouverture, à l'origine de la projection du monde, est une expérience que vous connaissez sans doute bien, Arnaud Desplechin, en tout cas que l'on retrouve dans beaucoup de vos films. Elle ouvre votre film Conte de Noël et le discours prononcé par Jean-Paul Roussillon au cimetière, il vient d'enterrer son fils, et a un lien direct avec une réflexion que le philosophe américain Ralph Waldo Emerson, que Cavell connaissait très bien, qu'il a remis au goût du jour des études philosophiques d'ailleurs, et qui est maintenant connu dans la société américaine, décrit dans un texte qu'il s'appelle Expérience. Je vous propose d'entendre les quelques secondes de ce discours sur la perte du fils, et ensuite le texte d'Emerson, et puis vous nous direz ensuite comment le lien s'est fait pour vous. Mon fils est mort. J'ai regardé à l'intérieur de moi et je me suis aperçu que je n'éprouvais pas de chagrin. La souffrance est une toile peinte. Les larmes ne me font pas mieux toucher le monde. Mon fils s'est détaché de moi comme la feuille d'un arbre. Je n'ai rien perdu. Joseph est désormais mon fondateur. Cette perte est ma fondation. Joseph a fait de moi son fils. Et j'en éprouve une joie immense. Mère impraticable déverse silencieusement ses vagues entre nous et les choses que nous visons et avec lesquelles nous devisons. Le deuil aussi fera de nous des idéalistes. Avec la mort de mon fils, il y a à peine 2 ans, il me semble avoir perdu un bien merveilleux, mais rien de plus. Je n'arrive pas à m'en rapprocher davantage. Si demain je devais apprendre que mes principaux débiteurs ont fait faillite, la perte de ma propriété serait un contretemps fâcheux, pour plusieurs années sans doute. Mais j'en sortirai inchangé, ni pire, ni meilleur. Il en va de même avec ce désastre. Il ne m'atteint pas. Quelque chose qu'il me plaisait imaginer faire partie de moi, qui ne pourrait pas être arraché sans me déchirer intérieurement, ni s'accroître sans me rendre plus fort, se détache de moi et ne me laisse aucune cicatrice. Ce n'était que passager. Je pleure de savoir que les pleurs ne m'apprennent rien et ne peuvent me conduire un pas de plus vers la nature réelle. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, la projection du monde de Stanley Cavell est à l'honneur aujourd'hui. Une réflexion sur le cinéma qu'il définit comme étant une image mouvante du scepticisme. La philosophe Élise de Menac est avec nous en studio pour en parler, ainsi que le réalisateur Arnaud Desplechin, qui est avec nous par téléphone. On a entendu le début de votre film Conte de Noël, Arnaud Desplechin. Le lien entre ce que dit le comédien du film Jean-Paul Roussillon et le texte d'Emerson est troublant. Est-ce que c'est la lecture de ce texte qui vous a inspiré pour votre film ? Comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. J'écrivais, il fallait réunir ces personnages dans cette maison. Je tenais à ce que ce soit comme ça un drame de chambre. Et voilà, et j'ai tué cet enfant. Alors ça me fait bizarre en tant que scénariste. Voilà, cet enfant meurt de maladie. Et c'est ce qui vient fonder le chagrin, fonder cette famille, sceller le drame de cette famille qui se retrouve à l'occasion d'un Noël. Et quand j'étais en train de lire Une Amérique encore inapprochable où Cavell étudie ce texte d'Emerson qui est un texte incroyablement scandaleux, j'écoutais votre voix le redisant et le scandale du texte venait me frapper encore. Et alors ce texte m'a été très utile pour construire le personnage d'Abel joué par Jean-Paul. Alors il y a plein de motifs comme ça qui traversent le film. C'est sûrement, vous voyez comment ne pas enfoncer le spectateur dans un... Cette phrase qui me frappe, que vous disiez, les pleurs ne m'apprennent rien. Je pleure comment que les pleurs ne m'apprennent rien. C'est vraiment la phrase sceptique par excellence. Tout à fait. Mais en même temps, on entend dans la voix de Roussillon un sanglot quand il reprend les phrases d'Emerson. Donc bien sûr qu'il combat le chagrin. Alors comment faire un film qui combatte le chagrin ? Il y a plus tard, je vous entendais parler de Terrence Malick, on voit les personnages passer devant les affiches du Nouveau Monde. Voilà, comment faire ? Comment créer dans un territoire un peu dévasté, à Roubaix, dans un territoire un peu dérisoire, une ville de province, comment inventer un monde nouveau ? Comment essayer de ne pas vivre dans l'ancien ? C'est le pari que Roussillon fait, et c'est ce qui donne la grandeur à son personnage, et c'était le matériel que je lui proposais de jouer. Mais ce qui est formidable, c'est que dans votre film, il y a une dimension plus positive. C'est ce que dit le personnage d'Abel. Il dit la mort de mon fils est ma fondation. Je deviens son fils. C'est inouï. Vous allez un pas plus loin en réalité. Ou vous surmontez le scepticisme peut-être. Oui, vous savez, le discours de la méthode de Descartes, je ne m'en suis jamais remis. Je me suis tellement reconnu dans ce livre, je l'ai lu comme un roman, je l'ai dévoré. Oui, sauf que Descartes, lui, c'est un exercice de pensée. La mise en doute du monde, il le fait pour les besoins de la pensée. Ce que décrit Emerson, c'est un scepticisme, comme dit Cavell, vécu. C'est qu'il pleure que la perte de son fils ne va rien changer à son rapport au monde. Il faut pour mon personnage, il faut que ça serve. Il faut que ça serve et il dit, il faut que mon fils devienne mon fondation. Je redeviens un enfant parce que mon fils est mort. Je deviens, en termes logiques, je deviens l'enfant de mon enfant. Le voilà mon aîné. Mais aussi, voilà, l'endroit où j'habite sera désormais l'endroit où mon fils est enterré. Donc tout d'un coup, ça devient une Amérique. C'est un peu la thèse de Cavell dans ce livre. Alors ça permettait de fonder cette espèce de grande demeure qu'on avait trouvée, qui était très romanesque. Et alors j'ai fait ça sur ce film-là en me servant du matériel d'Emerson. Et je pensais avec émotion, pensant à la mort de Cavell, au dernier vers la fin des fantômes d'Ismaël, je me suis servi d'un texte de Little Did I Know, qui est le dernier livre de autobiographie. Cavell, son autobiographie, avec où Cavell parle de la mort de son père et la met en résonance. Il y a toujours cet art du corpus chez Cavell qui est absolument merveilleux. Avec Only Angels Have Wings, qui est un film de Hawks qui m'est très cher. Et voilà, le père meurt, le fils vient pour le sauver. Là, c'est Marion Cotillard qui est au chevet de la Slozabo. Et puis il dit, je veux pas de laissez-moi mourir. Ça ne sert à rien de me soigner. Il faut soigner plutôt les enfants. Alors c'est un petit peu l'opposé comme ça. Et Cavell regarde le départ de son père. C'est son dernier livre. Il a déjà l'âge de penser à son propre départ. C'est une scène qui me bouleverse. Élise de Menac ? Oui, je suis touchée aussi d'entendre Arnaud Desplechin évoquer ce lien-là. Et en effet, la traversée du chagrin qui est très présente dans son cinéma, mais aussi avec cette idée que les personnages souvent, il me dira ce qu'il en pense, mais j'ai l'impression aussi qu'ils sont souvent lancés dans des démarches, dans des trajectoires de seconde chance, en particulier les femmes. Oui. Et avec cette idée que justement, on pense à Marion Cotillard dans le dernier film Les Fantômes d'Ismaël ou au personnage de Sylvie Olivia, interprétée par Charlotte Gainsbourg, que parfois, ben, elles traversent des deuils ou elles traversent des phases comme ça très atones où elles sont, où elles regardent passer leur vie, elles en sont presque les spectatrices. Et puis, eh bien, il y a une sorte de, Cavell parle d'un pouvoir du deuil. Mm-hmm. Là aussi, j'y pense aussi en lien avec notre propre deuil de son propre départ, mais le pouvoir du deuil de nous apprendre notre condition mortelle est finie, dit-il. Et ben là, peut-être, ces personnages nous exemplairement traversent des crises et puis se relèvent, y compris dans un rapport vital à l'existence. Voilà, j'ai été très, très émue par les trajectoires de femmes dans ce dernier film. Mais Arnaud Desplechin, comment est-ce que, au moment où vous fabriquez votre film, vous l'écrivez, vous le réalisez, vous faites le lien entre l'apport théorique ou de connaissances que vous avez des écrits de Cavell ou d'Emerson ou de Nietzsche, puisqu'il est présent aussi dans Contes de Noël notamment, et la dimension proprement artistique qui, elle, ne passe pas forcément par le langage. C'est une rencontre qui est difficile à faire, qui parfois échoue, dans votre cas elle réussit, et vraiment pour le meilleur, mais comment est-ce que vous tenez les deux ensemble ? C'est parce que j'ai une lecture très impure, très, très romanesque de la philosophie. Je vous disais, je vous parlais du discours de la méthode où j'avais adapté une scène dans Esther Kahn où elle voit des espèces de fantômes sortir par la fenêtre et Descartes se demande, il regarde ses silhouettes et il dit, est-ce que dans le fond ce sont pas des ballons de baudruche? Et j'ai l'illusion que je connais autrui. Et j'ai jamais connu père. Voilà. Et peut-être suis-je vivant, mais peut-être suis-je seul au monde et que je suis simplement entouré de baudruches. Et j'ai une lecture. Lire ces livres-là, j'en ai une expérience poétique ou romanesque, je ne sais pas bien, et du coup ça m'est aisé, et puis c'est du matériel que les acteurs aiment bien, ils aiment bien reprendre ces mots-là, les transformer, c'est les acteurs qui me permettent de comprendre la poésie ou la philosophie. Est-ce que ce ne sont pas les textes les plus faciles à dire pourtant ? Oh, si on prend un peu de temps, si on les étudie de près. Ça c'est votre métier de directeur d'acteur. Avec attention. Mais il y a quelque chose, vous voyez, je repense aussi, parce que je pense à cette projection que nous avions faite à Paris des fantômes d'Ismaël lors de la dernière visite de Stanley Cavell, et nous en avions parlé avec lui et sa femme, et je parlais de Lévinas, qui est quelqu'un qu'on a rarement rapproché de Cavell, et qui a un rapprochement que je fais de chaque année un peu plus. C'est qu'il y a quand j'ai découvert les livres de Cavell, une attention au quotidien, la philosophie, cette philosophie pragmatiste, une attention, aussi vous parliez du cinéma, le cinéma comme un art du quotidien, quand le quotidien se met à signifier. Et c'est une attention que j'avais déjà découverte dans les lectures de talmudiques. C'est comment faire sonner un texte, comment prendre un texte et arriver à le faire chanter. Alors Cavell lui prend des films et il arrive à les faire chanter, à leur faire rendre le sens qu'ils contiennent. Comment tirer leçon de la vie dans toute sa trivialité. Je pense chez Lévinas à une interminable querelle du poil dans les quatre lectures talmudiques qui est absolument merveilleuse. Comment faire pour toujours porter attention à la lettre du texte avant l'esprit, ce qui est la technique de lecture des films chez Cavell, de faire attention aux détails, dirait Daniel Arras, de faire attention aux détails avant de chercher, comme la Hausdorff théorie, vous voyez, de chercher la vision du monde, de faire attention à tel geste, telle attitude, telle réplique. Et c'est cette attention-là, j'ai découvert vraiment une nouvelle façon de voir les films chez lui, et cette attention au quotidien, je la rapproche toujours de Lévinas. Et à chaque fois que je pense à Cavell, je pense à Talmud Rohrer, et ça devait être un petit génie à l'école juive de sa ville, et il y a une attention, une façon de faire chanter les textes, oui, que je n'avais vu que chez cet autre auteur. Une façon de faire chanter les textes, de faire chanter l'image dans les deux cas. Élise de Menac. Oui, juste là m'inspire une réaction. Je suis tout à fait passionnée par ce rapprochement avec Lévinas. Et en fait, étonnamment, il y a un autre cinéaste qui est un philosophe en activité et très grand cinéaste. Je pense, c'est deux en fait, c'est un en deux, c'est les frères Dardenne. Et je pense à Luc Dardenne, qui est celui qui est des deux, qui a une formation philosophique et qui écrit de la philosophie. Je suis un livre qui s'appelle Sur l'affaire humaine, etc. Et qui est quelqu'un qui aussi, étonnamment, a une lecture de Cavell qui le rapproche par un autre biais. C'est là où vraiment c'est passionnant de voir la manière dont les cinéastes s'approprient Cavell, mais qui rapproche Cavell de Lévinas, alors plutôt du Lévinas, moins des lectures talmudiques que celui de la question du visage et du rapport à autrui. Et en lisant Sur l'affaire humaine, qui est un ouvrage où à la fois Cavell n'est pas cité, et en même temps je trouve que Cavell est très présent en sous-main, et je sais que c'est un... Par ailleurs, Cavell est présent dans les notes qui s'appelle de au dos de nos images. Donc c'est on sait que la lecture de Cavell a irrigué la pensée philosophique de Luc Dardenne, et Luc Dardenne creuse dans Sur l'affaire humaine cette question du rapport que les êtres humains, quand ils naissent, hein, nativement, ont à la séparation, à l'isolement, à l'exil du monde. Et finalement, à la fois en disant le cinéma doit travailler à nous rapprocher, à nous tendre l'âme, ça doit être, chaque film doit être une main tendue, dit-il. Et là, il pense au rapport au visage de l'autre et il s'inspire de Lévinas, mais il s'inspire aussi de Cavell et de ce rapport que Cavell a au cinéma comme le médium qui peut nous réapprendre moralement une position morale vis-à-vis des autres. Vous voyez, peut-être oui, parce que vous dites l'un et l'autre, et ce que dit Cavell, c'est que peut-être ceux pour qui le cinéma compte, pour qui le cinéma est important, pour reprendre un terme que Cavell, qui était cher à Cavell, c'est ceux qui ont ce rapport de perte avec le monde en réalité, qui du coup fait que le cinéma vient apporter cette assurance, ou peut rassurer, comme vous le disiez, Arnaud Desplechin. On est malheureusement déjà au terme de notre discussion. Je vous remercie, Arnaud Desplechin, d'y avoir participé par téléphone. Et Élise de Ménac, un grand merci d'être venue nous parler de Cavell. Je renvoie à l'ouvrage que vous avez consacré à son cinéma. Il s'appelle Stanley Cavell, le cinéma et le scepticisme, aux éditions PUF. Et l'appel est lancé, Arnaud Desplechin, Élise de Ménac, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il faut publier à nouveau La Projection du Monde pour qu'on puisse le lire. On se quitte en chanson, une chanson qui vous rappellera quelques souvenirs, Arnaud Desplechin, Rose Murphy, Little Bird Told Me. Little bird also told me I was falling, falling for no one but you. No use denying, I might as well confess. All the boys I know, dear, I'm sure I love you best. A little bird told me we'd be happy, and I believe that is true. Might have been a sparrow, could have been a crow, perhaps it was the owl, mighty wise is he. Could have been a parrot, talking constantly. Only thing I know is chee, chee, chee. Birdie, birdie, birdie, Chemin de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour votre journal de la philo, vous revenez encore une fois sur la rentrée littéraire et philosophique. C'est une chose qu'on peut constater en cette rentrée, et ce n'est pas la première fois, le passage dans la section littérature d'auteur, d'abord signé en philosophie, ou la transformation d'une écriture propre à l'essai en récit littéraire. C'est le cas par exemple de Gwenaëlle Aubry, spécialiste de Plotin, qui signe le roman La Folie Elisa, ou de Bruce Bégout, à qui l'on doit habituellement des essais sur le quotidien, mais qui là propose Le Sauvetage. Ces parutions réactivent la question du partage ou du lien entre philosophie et littérature, question classique, peut-être un peu vaine, d'accord, indécidable, car qui peut dire au fond qui est philosophe, qui est écrivain, qui est d'abord l'un, d'abord l'autre, plus l'un que l'autre, à commencer par exemple par cette grande voix. Si on voulait résumer ce roman d'une certaine manière, on pourrait dire, dans la société telle qu'elle est, tout homme qui ne pleure pas l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Pour moi, Meursault est atteint de ce que j'appellerais la folie de la sincérité. Ce qui distingue ce personnage, c'est qu'il ne veut jamais dire plus qu'il ne sent. À écouter Albert Camus, la question semble en effet sans réponse. Qui pourrait dire, en entendant un tel commentaire de son roman L'étranger, s'il s'agit d'un romancier parlant de son œuvre ou d'un philosophe expliquant l'idée à l'œuvre dans son roman? Alors certes, on pourrait répondre qu'on s'en fiche, que peu importe, Camus c'est Camus, écrivain philosophe, philosophe écrivain. Mais j'insiste quand même, car ma question n'est pas tant de définir à tout prix l'auteur, sa catégorie, son essence. On entend assez et à raison ce reproche en France de vouloir coûte que coûte classer les individus sous une étiquette et ne pas les en faire sortir. Mais non, ma question est plutôt de savoir qu'est-ce que les philosophes apportent de leur pensée, de leur savoir, de leur manière, de leur style, dès qu'ils entrent en littérature. Et nous, lecteurs, qu'est-ce qu'on attend d'un philosophe qui prend la plume pour raconter et non plus pour théoriser? C'est bon pour les gens. Ce n'est pas que nous voulons leur apporter un bien bien fait, ce n'est pas que nous voulons leur révéler un secret, mais nous voulons communiquer avec eux. Pour nous, nos livres n'ont de valeur que dans la mesure où les autres les reprennent. Nous considérons depuis longtemps que la littérature, c'est un phénomène double, duel, comme on dit. C'est-à-dire auteur, qu'on appelle scripteur maintenant, et puis lecteur. Les deux réunis font l'œuvre, mais il faut que le lecteur la fasse. Avec Sartre, tout pourrait sembler plus clair. Quand on lit son théâtre, on lit le dramaturge. Quand on lit L'être et le néant, on lit le philosophe. Mais à la lecture de La Nausée, tout se complique, et que dire aussi, par exemple, des lettres de Sénèque ou des rêveries de Rousseau. Même chose pour les pensées de Pascal, Diderot et son neveu Drameau, Kierkegaard et son journal d'un séducteur. Si tout semble simple avec Aristote, Kant ou Wittgenstein, et encore que dire de l'insertion de récits mythiques ou de passages qui confinent à la poésie ou nous font vibrer de beauté. Puis il y avait Arnaud Desplechin, par exemple, qui disait qu'il avait lu Descartes comme un roman. Que dire aussi, à l'inverse, des écrivains qui se font philosophes, tels, bien sûr, Proust et sa recherche. Comment donc lire tous ces auteurs? Qu'en attendre? Que veulent-ils nous dire qu'ils ne disent pas qu'avec des raisonnements ou pas seulement en histoire? Comment faire en cette rentrée, où il y a encore plus compliqué aussi, des textes de philosophes qui parlent à la première personne, qui prennent une tournure autobiographique, façon Essai de Montaigne, Mots de Sartre ou Mémoire de Simone de Beauvoir? Ma vie personnelle s'est trouvée liée au monde justement à partir du moment où je suis sortie de l'adolescence. Dans la mémoire d'une jeune fille rangée, il y a très très peu d'évocation du monde parce que il m'atteignait à travers ma famille d'une manière tout à fait indirecte et d'ailleurs complètement déformée puisque ma famille avait une vision du monde qui me semble complètement erronée. Alors je n'ai indiqué que ce qui était réellement entré dans ma vie d'enfant et d'adolescente, c'est-à-dire très peu de choses. D'un philosophe qui passe à la littérature, on peut attendre une profondeur d'analyse, l'inscription du récit dans un contexte intellectuel, un récit qui tire un fil conducteur. On peut aussi redouter le fameux écueil du roman à thèse ou de l'essai vaguement stylisé. Tout l'enjeu étant de ne pas orner une idée, mais qu'elle explose au cœur du style et de l'histoire. Mais qu'attend-on d'un philosophe qui ne raconte pas quelque chose, mais se raconte? Caroline Emke, dans Notre désir, qui paraît au Seuil. Elisabeth de Fontenay, avec Gaspard la nuit, qui paraît aux éditions Stock, une autobiographie de son frère. Ou encore Jean-Philippe Domecq et son hommage à Anne Dufourmentel, disparue l'été 2017. L'ami, la mort, le fils. Tous, en cette rentrée, se racontent et nous racontent, mieux qu'une vie, mieux qu'une idée, plus qu'une identification ou une réflexion, une certaine idée de la vie et la vie d'une idée. Merci Géraldine pour ces conseils de lecture qu'on retrouvera en ligne sur le site de votre chronique. Oui, tout à fait. J'en profite pour signaler que demain, vous recevez Gwenaëlle Aubry, justement, exactement, à propos de La Folie. Moi, je reçois tous les auteurs dont vous parlez dans vos chroniques. À demain, Géraldine. À demain. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, grâce à qui cette émission a eu lieu. Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Isis Jourda, Eva Ferenzi, Marie Simon, Philippe Baudouin à la réalisation. C'était Clément Daté à la prise de son aujourd'hui et Vincent Schmitt à la lecture du texte. On se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi qui proposent dorénavant de grands entretiens avec ceux qui font vivre la philosophie aujourd'hui. Demain, ce sera la philosophe et romancière Gwenaëlle Aubry, dont vous parliez Géraldine à l'instant, qui viendra vous parler de son rapport au métier de philosophe à l'occasion notamment de la parution de son dernier roman, La Folie Elisa, aux éditions Mercure de France. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que cette série d'émissions sur le philosophe Stanley Cavell, sachez que c'est